Chapitre 28e. Eh bien, tu resteras avec nous, toute la vie, à moins que tu ne veuilles te marier. Marguerite secoua la tête et ses pleurs recommencèrent. Oui, oui, je comprends. Ce n'est pas le moment de parler de telles choses, ma sœur chérie. Mais tu vivras auprès de nous, et nous serons trop heureux de te garder toujours. Charles voudra bien, dit timidement la jeune fille. Si tu en doutes, demande-le-lui. Il dit à chaque instant que sans toi, notre maison perdra la moitié de son bonheur. Nos petites sœurs ont encore du temps devant elles. On les laissera au couvent 2 ou 3 ans et après nous verrons. Ah, soupira Marguerite, c'est bien dur. Et nous qui étions ici, sans nous douter de rien. Tout Chartres vint présenter des compliments de condoléances à la famille Langlois, qui était universellement aimée, et les deux sœurs purent apprécier combien de bontés réelles se cachent sous une sécheresse d'emprunt dans les villes de province. Les attentions les plus délicates, fruits de choix, fleurs exquises, abondèrent dans la maison durant la semaine qui suivit, comme si chacun avait voulu, suivant la mesure de ses moyens, apporter une part de consolation. Madame André vint aussi, admirablement correcte dans sa toilette noire, correcte aussi dans sa façon d'exprimer des sentiments de sympathie affectueuse. Mais les deux orphelines sentirent bien que c'était des phrases et rien de plus. En effet, Rose n'avait pas de compassion à prodiguer sur ceux qui mouraient suivant les règles au sein de leur famille, qui étaient portés en terre avec la pompe voulue. Elle gardait au fond de sa nature bohème, plus frottée de civilisation que réellement civilisée, toute sa pitié pour les déshérités de la vie, les enfants sans père et les malades de l'hôpital. De plus, Madame Langlois était son ennemie à cause de Langlois, et Marguerite à cause d'André. Il lui fallut posséder un fond de duplicité que n'avait pas Rose pour s'épancher en paroles mielleuses. Elle préféra s'en tenir aux banalités d'usage, ce qui ne fut pas long. « Monsieur André a été bien bon, » dit Marguerite en voyant la conversation tomber faute d'aliments. « Il vous a écrit ?» fit Rose en levant ses sourcils de velours. « Non, » répondit la jeune fille en rougissant. « Je l'ai rencontré à l'église. Il partait, je crois, m'a-t-il dit. Je ne me rappelle pas très bien. Il a été bien bon. »« C'est tout naturel, » fit Rose en se levant pour prendre congé. « Vous me permettez, madame, de venir vous voir de temps en temps ? En l'absence de mon mari, je serai bien solitaire. »« Certainement, » dit avec empressement madame Langlois. « Notre deuil nous interdit les réceptions nombreuses, mais nos amis nous feront toujours plaisir quand ils prendront la peine de se déranger pour nous. » Rose se retira sur un charmant sourire demi-deuil, qu'elle laissa derrière elle comme une transition entre cette visite et celle qu'elle se proposait de faire plus tard. La vérité est que Marguerite l'intéressait sous plus d'un rapport, et qu'elle se sentait prise d'une curiosité violente à son endroit. Elle revint en effet, profitant de ce que les usages du deuil autorisaient Madame Langlois et sa sœur à la recevoir sans lui rendre ses visites. Presque toujours, soit en rentrant, soit en sortant, elle rencontrait le docteur. Ils échangeaient un salut froid. Rose y ajoutait un petit air de supériorité ironique que les deux premières fois Langlois ne parut point remarquer. La troisième fois, ce fut lui qui la regarda d'un air railleur. Rose n'était point préparée à cette agression et perdit son sang-froid. Elle jeta au jeune médecin un regard de colère qu'il supporta bien. Elle baissa les yeux et passa outre, avec l'impression qu'elle venait de recevoir une blessure, non seulement dans son amour-propre, mais dans une part de son âme plus profonde et plus intime. Dès lors, ce n'était plus amusant d'aller voir ces femmes en deuil, dont la conversation ne pouvait rien lui apprendre, et dont la vue lui causait autant de gêne que d'ennui. Elle prétexta une indisposition et se renferma chez elle. André lui écrivait tous les 2 jours. Ses lettres n'étaient pas longues, elle lui rendait compte de ses travaux, du moins en ce qu'elle pouvait en apprécier, et se terminaient par quelques mots d'affection. Rose les recevait comme une chose due, les lisait, les jetait de côté et n'y pensait plus. Un matin, près de la lettre conjugale, elle en trouva une autre sur le plateau de la correspondance, et l'écriture de celle-là lui fit battre le cœur. C'était pourtant Max, tout simplement. Il lui écrivait une de ces causeries parisiennes que les journalistes réservent le plus souvent pour le journal. Celle-là était pleine de choses amusantes, de réflexions originales, un vrai mets de gourmet pour Rose, dont l'existence, autrefois composée de ces riens grossis par le mirage parisien jusqu'aux proportions d'un événement, s'écoulait désormais dans un insipide calme plat. Elle relut la lettre en riant aux larmes, la relut, la laissa devant elle, en y jetant les yeux de temps en temps, sur un mot qui évoquait plus particulièrement un souvenir ou un regard, et tomba dans une rêverie profonde. Quand elle sortit, ce fut pour appeler Florence. « Un peu de linge dans une valise. Ma toilette de voyage et une voiture, » lui dit-elle. « Mon Dieu, tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles de monsieur ?» demanda la vieille femme. Ces façons de Rose, qui, dans sa vie nomade d'autrefois, lui semblaient toutes naturelles, la surprenaient maintenant au point de la bouleverser. « Qui te parle de monsieur ?» fit Rose avec humeur. « J'ai des affaires qui m'appellent à Paris. Quand reviendras-tu »« Est-ce que je sais ? Fais ce que je te dis et arrange-toi pour que je ne manque pas le train. » En effet, 2 heures après, Rose débarquait à Paris, sur le quai de la gare. Rien ne saurait rendre ce qu'elle éprouva en sentant sous ses pieds le bitume parisien. Il lui sembla tout à coup qu'elle arrivait du centre de l'Afrique ou des régions polaires, d'un endroit, en un mot, où rien de la vie moderne ne parvenait plus. En humant l'air poussiéreux des rues, elle croyait renaître à l'existence après une maladie. Elle voulut aller à pied, son petit sac de voyage à la main, et elle prit la rue de Rennes avec l'étonnement joyeux d'un étudiant de province qui vient faire son droit à Paris. Tout l'amusait. Les tuyaux d'arrosage portés sur des roulettes, les omnibus chargés de monde qui filaient adroitement entre les voitures, les lourds tramways qui arrivaient droit au milieu des embarras comme des boulets de canon et devant lesquels tout se débrouillait à miracle. Les enfants qui sortaient des écoles leurs paniers à la main et qui bâillaient aux boutiques de papetiers garnis de haut en bas de chromos étincelants, les nourrices qui remplissaient les squares et dont les rubans bigarrés semblaient de loin d'énormes fleurs fantastiques, tout ce monde joyeux et turbulent qui déborde dans la rue vers la fin des après-midi d'été causait à la jeune femme un étonnement presque ému. Elle arriva à la Seine, l'eau coulait gaiement sous les arches, le soleil jouait sous les ponts, où miroitaient des reflets glauques, les peupliers secouaient doucement leur poussière au-dessus des berges couvertes de sable doré, et le palmier absurde et triomphal de la Samaritaine envoyait dans l'air plein de vapeurs laiteuses son panache de fumée qui fait la joie des passants railleurs. C'était Paris, c'était la vie. Rose se sentit jeune, comme au jour où, dans l'orgueil de ses 17 ans, elle avait joué pour la première fois un grand premier rôle. Le cœur palpitant de toutes les émotions d'un rendez-vous, elle se glissa sous l'arcade sombre de l'hôtel du Louvre et, reconnue par l'employé, obtint aussitôt un sourire de bienvenue et une chambre. Elle était chez elle. Non plus chez André, son mari, mais chez elle. Ce logis qu'elle payait de son argent lui parut plus beau qu'un décor de féerie. Elle allait donc manger, dormir, marcher librement suivant sa fantaisie, sans heure fixée pour rentrer ou sortir. C'est alors que, plus que jamais, elle s'applaudit d'avoir prudemment conservé et caché les quelques milliers de francs qui lui restaient. Elle avait encore des bijoux, mais les bijoux qui coûtent si cher à acheter ne valent rien quand on veut les vendre. L'argent était plus sûr. Avant son mariage, par une mesure instinctive de précaution, elle avait vendu les quelques actions qui représentaient son capital. Elle ne voulait demander d'autorisation à personne pour disposer de ce qui lui appartenait. Que de joie, maintenant, dans la possession de cette faible somme. Et quand ce serait fini ? Cette pensée ne fit que traverser le cerveau de Rose, et elle ne s'y arrêta pas un instant. Pour elle, l'avenir était toujours loin. Le présent seul importait. Il n'était pas encore trop tard pour aller faire un tour sur les boulevards. Elle eut bientôt gagné la rue de la Paix, et elle remonta alors doucement, à petits pas, la ligne onduleuse qui mène de la Madeleine à la porte Saint-Denis. C'était l'heure de l'absinthe. Elle chemina lentement, l'air sérieux, la tête haute, regardant droit devant elle, sûre néanmoins de ne pas manquer un visage de connaissance parmi les hommes qui causaient entre eux, attablés devant les cafés. Elle ne cherchait particulièrement personne. Ce qu'elle voulait, c'était la saveur de la vie parisienne, longtemps perdue, et dont la lettre de Max lui avait donné soudain une soif dévorante. C'était les regards connaisseurs du tout Paris, composés d'un ou deux milliers d'individus, toujours les mêmes, et qui vivent coude à coude dans la grande cohue mondaine. Elle voulait être vue, saluée, et elle eût payé cher, si elle l'eût osé, pour lire le lendemain dans un journal que la jolie Rose Rosier, plus jolie que jamais, avait été vue hier sur le boulevard des Italiens vers 6 heures du soir. Elle marchait toujours, de son pas égal, ralenti par son désir d'être reconnue, mais avec un air royal qui la mettait au-dessus des réflexions familières des passants. Une sorte de chagrin envahissait peu à peu son cœur, car plusieurs notabilités de la finance et du sport, qu'elle avait vues 100 fois, avaient passé près d'elle sans l'apercevoir. Elle se demandait si vraiment elle était oubliée à ce point, qu'il lui fallut se nommer pour se faire saluer. le cœur gros, mais pleine d'orgueil plus que jamais, elle marchait maintenant d'un pas plus rapide, l'œil perdu devant elle, décidée à ne plus rien regarder, pour s'épargner de nouvelles humiliations, lorsqu'elle entendit son nom et une ombre se planta devant elle, le chapeau à la main. « Madame André !» Toujours ce nom qui devenait pour elle un cauchemar, mais c'était la voix de Max, et elle sourit d'un sourire forcé. « Vous êtes à Paris ? Depuis quand ? Vous n'avez pas reçu ma lettre ? Votre mari ?» Elle répondit d'une voix ironique, « Mon mari est en Belgique. J'arrive. J'ai reçu votre lettre ce matin. »« Ah ! » fit-il en la regardant de la tête aux pieds. Sous le calme apparent de la jeune femme, il sentit qu'elle vibrait comme une corde de violon comptant sur la cheville. Quelques curieux, attablés devant le café qu'ils venaient de quitter, les regardaient avec attention. « Voulez-vous accepter mon bras ? » dit-il. Elle ne répondit rien, mais elle posa sa main sur la manche de son paletot, et ils continuèrent à marcher sur le boulevard peuplé de gens soit très pressés, soit très flâneurs. « Vous êtes seul ici ? » reprit Max. « C'est singulier. »« En quoi ? » fit-elle d'une voix sèche. « En rien, je ne sais ce que je dis. Vous avez reçu ma lettre ? » ?»« Oui. Pourquoi me l'avez-vous écrite ? » ?»« Ce serait difficile à dire, » fit-il en riant. « Probablement parce que j'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Me suis-je trompé ?» Elle le regarda franchement et rencontra les yeux du journaliste qui l'interrogeait avec persistance. « Non, » répondit-elle. « Je vous dirai même plus. C'est cela qui m'a fait venir à Paris. » « Je n'osais tant espérer, » fit-il en serrant légèrement contre lui le bras de la jeune femme. Elle se retira imperceptiblement. « Ne jouons pas avec les mots, » dit-elle d'un ton froid. « Vous m'avez donné la nostalgie de la vie parisienne. Je n'ai pu y tenir et je suis venue, pour me retremper un peu, pour aspirer l'air du boulevard, pour sentir le bitume sous mon talon. Mais ce n'est pas pour vous, Max, que je suis venue, ni pour personne, c'est pour moi. » Il comprit qu'elle était sincère et se garda bien d'insister. À vrai dire, il ne tenait pas du tout à inspirer à Rose la moindre passion. « Puis-je vous être agréable en quoi que ce soit ? » dit-il avec la plus grande politesse. « Je n'en sais absolument rien. Venez me voir demain à l'hôtel du Louvre, nous causerons. Vous rappelez-vous votre dernière visite avant mon mariage ? Nous sommes-nous assez querellés ? Oui, je m'en souviens. Il est même venu une espèce de provincial. C'est lui qui était cause de mon mariage. C'était le messager de l'amour ? Eh bien, figurez-vous que je m'en doutais. Il avait une figure à ça. » Ils se mirent à rire ensemble. Arrivé devant le gymnase, Max s'arrêta. « Où ordonnez-vous que je vous conduise ? » dit-il. « Je dîne en ville, et je suis forcé de rentrer chez moi pour m'habiller. »« Laissez-moi ici, » dit-elle. « Je vais m'asseoir avec les bébés et regarder passer le monde. » Cela seul est déjà une joie. Il la conduisit à une chaise et la laisse se retirer lorsqu'il aperçut Gérard Pornic qui sortait du gymnase par l'entrée des artistes. « Voici Pornic, » dit-il. « C'est une figure parisienne, celle-là. Voulez-vous que je vous l'amène ?» Elle allait refuser. Il était trop tard. Pornic les avait vus, et sans penser que ce pût être Rose, qu'il avait tout lieu de croire à Chartres, sous l'abri du toit conjugal, il s'approcha. Max n'était guère aperçu en public escortant une femme, à moins qu'elle ne fût jolie et élégante. Il se dirigea donc de leur côté, sans affectation, et fut bien surpris de retrouver l'Amazone de Clairefontaine. « Ah ! Vous m'avez donné là, » dit-il après un premier échange de politesse, « une de ces émotions qu'on n'a pas deux fois dans la vie. Depuis, je vous ai revu 100 fois. Quel dommage que vous ayez quitté le théâtre. » Les yeux de Rose brillèrent et son teint se colora. « Très bien, » pensa Max. « S'ils parlent théâtre, je vois qu'ils ne s'ennuieront pas ensemble. » Avec force excuse, il se retira, les laissant sous l'ombrage poussiéreux des marronniers. Pornic avait trop d'esprit pour parler à Rose d'autre chose que ce qui l'intéressait si vivement. En un quart d'heure, il eut largement médit de toutes les actrices de Paris qui tenaient l'emploi de Rose, et il lui prouvait, plus clairement que par des compliments exagérés, qu'elle était la seule femme qui pût créer un rôle. Aussi, elle l'écoutait avec une attention soutenue, jetant çà et là un mot pour la défense d'une camarade, mais enchantée de se voir démentir. Tout à coup, il regarda sa montre. « Il faut pourtant dîner, » dit-il en souriant. « Si j'osais, puisque vous êtes ici en garçon, mais je n'oserais jamais. « Pourquoi pas ?» fit Rose entraînée par sa chimère. « Fallait-il perdre la société de cet homme qui parlait si bien du théâtre ?»« Vous accepteriez ? Vous me rendez très heureux. »« Nous allons pouvoir causer à cœur ouvert de mon drame. »« J'ai conçu une idée, voyez-vous, une création qui restera dans l'histoire dramatique de notre siècle. » Ils dînèrent dans un restaurant des Champs-Élysées, juste assez mystérieusement pour qu'ils ne fussent pas nommés par 20 personnes dès le seuil, assez ouvertement pour qu'on ne les accusât pas d'être en bonne fortune. Pornic excellait en ce genre de dîner, qui lui arrivait assez souvent d'organiser. On ne peut pas se figurer combien les femmes qui se respectent encore, mais qui ne se respecteront pas toujours, aiment le genre d'émotion que leur donne cette apparence de faute sans la faute. C'est un plaisir comme celui de marcher au bord du précipice. Tout le monde ne l'apprécie pas, mais ceux qui le goûtent en jouissent avec ivresse. Pornic ne parla que de théâtre, ce soir-là. Il raconta son drame, non pas d'une façon prolixe, assommante, comme certains qui ne peuvent écrire une scène sans l'avoir racontée à tout venant, depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine. Mais en quelques mots, laissant dans l'ombre tout ce qui n'était pas l'héroïne et s'appesantissant au contraire sur les détails du caractère de celle-ci, il parla jusqu'à ce que Rose, éblouie, lui dit brusquement « C'est admirable. Qui vous jouera cela ?» Il ne répondit pas sur le champ, puis, lui saisissant les deux mains par-dessus la table qui les séparait, il lui dit avec une émotion où le vrai entrait pour le moins autant que le faux « Vous ?» Elle tressaillit. Depuis une heure qu'elle l'écoutait, elle sentait si bien vivre en elle le personnage qu'il avait rêvé. C'était, comme elle-même, une femme capricieuse, presque perverse, avec de grands élans d'amour et de sacrifice qui rachetaient ses crimes. Elle dégagea violemment ses mains. « Vous n'y songez pas, » dit-elle avec amertume. « En me mariant, j'ai renoncé au théâtre. » Il ne répondit rien. « À quoi bon ? Le travail se ferait bien tout seul, dans cette tête exaltée. « Allons prendre l'air, » dit-il doucement, après un silence. Ils sortirent et gagnèrent le bord de l'eau du côté des Tuileries. Le quai en cet endroit était désert comme les plaines de la Beauce. Ils marchèrent quelque temps sans échanger d'autres paroles que des remarques insignifiantes. Au moment de traverser le jardin, pour entrer à l'hôtel, Pornic dit d'un air dégagé. « Vous savez, Sinchet est inconsolable. Vous l'avez blessé au cœur, mais il vous adore. Il perd son temps à l'un aussi bien qu'à l'autre. » riposta Rose. « En quoi l'ai-je blessé ?»« En lui renvoyant son médaillon. » »« Je le lui avais dit. Mais vous savez peut-être qu'il n'est pas très accessible à la persuasion. Ses idées lui tiennent bon. » Rose pensa au sonnet. Si Pornic en parlait, c'est qu'il ne serait qu'un homme fort ordinaire. Il n'en eut garde. « Est-il à Paris ? » demanda-t-elle d'un ton distrait. « Il va, il vient. Voulez-vous que je vous l'envoie ?»« Non pas. » Il proclamerait sur toutes les plages que je suis ici et précisément je n'y suis qu'en passant, pour 2 jours au plus. « Me permettrez-vous de vous rendre visite ?»« Certainement, » dit-elle avec indifférence. Il la quitta sur le seuil de l'hôtel et la regarda traverser la cour d'un pas ferme et régulier. « Vous avez beau faire la fière, » pensa-t-il, « Madame André ou Rose Rosier, vous remonterez sur la scène et vous y aurez du succès. Le pire qui puisse m'arriver serait de tuer le mari. » Mais un philosophe, ça ne doit pas se battre. Sur cette réflexion pratique, il regagna le boulevard.